Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, la révolution copernicienne. Copernic a véritablement créé une révolution dans la pensée occidentale. Depuis l'Antiquité de l'homme, on avait cru que la Terre était le centre de l'univers. Et Copernic a été le premier à oser écrire que le Soleil était le centre de l'univers. Quand l'astronome polonais Nicolas Copernic publie son ouvrage « De la révolution des corps célestes » en 1543, c'est une véritable révolution qu'il provoque, car comme le dit Gilles Bergevin, qu'on vient d'entendre dans cet extrait du carnet Arts et Lettres du 10 décembre 1973, « Placer le Soleil plutôt que la Terre au centre de l'univers, c'est défier toutes les croyances et toutes les convictions que les hommes avaient jusque-là. » Copernic, qui est sur son lit de mort au moment de la publication de son célèbre ouvrage, ne verra pas les effets de la tempête qu'il vient de déclencher. L'œuvre de Copernic, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'au début, il n'avait pas d'opposition, et n'oublions pas que son œuvre est dédiée au pape. Hein. Il y a une dédicace célèbre, et ce que dit Copernic, c'est que je vais montrer l'harmonie du monde, et c'est à la gloire du Créateur. Donc, au début, si vous voulez, les choses vont assez bien, malgré quelques oppositions. C'est beaucoup plus tard que, là, il y a des oppositions très importantes, d'abord du côté de la réforme, du côté des théologiens réformistes et protestants, parce qu'ils interprètent l'Écriture à la lettre. Et on a de nombreux passages de l'Écriture, justement, dans lesquels il est dit, par exemple, que Dieu arrêta le soleil dans sa course pour laisser passer les Hébreux. Alors, si le soleil est arrêté dans sa course, c'est que c'est le soleil qui était en mouvement. Hein, donc, ça veut dire que Copernic est contre la lettre des Écritures. Donc, il y a ça. Et puis, il y a toute la condamnation de Galilée, où Galilée est condamné. Et l'œuvre de Copernic, le De Revolutionibus, est mise à l'index. 1611, vous connaissez donc le fait que Galilée est condamné, il sort, il dit « elle pourtant, elle tourne hein. ». Mais il n'empêche qu'effectivement, l'Église s'est opposée, disons, quasiment férocement, pour dans certains cas violemment, à la thèse copernicienne. Jean-Jacques Tchétchignaz, le directeur du département d'histoire et de philosophie des sciences de l'Université Paris-Diderot, à l'émission Les Années-Lumière en juillet 2009, pour nous expliquer le contexte dans lequel Copernic va en arriver à sa fameuse théorie de l'héliocentrisme qui place le Soleil au centre de l'univers, pour nous parler aussi de l'impact que va avoir cette révolution copernicienne. Je reçois l'astronome Pierre Chastenay, qui a été animateur des émissions Le Code Chastenay, Électron libre à Télé-Québec, qui est professeur au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal. Pierre Chastenay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Quelle importance ça a, cette révolution copernicienne, dans l'histoire des sciences, Pierre Chastenay? Bien, c'est une révolution qui chasse les humains du centre du monde et qui les place en orbite sur une petite planète autour d'une étoile banale au cœur d'une galaxie démesurée dans un univers dont on ne connaît pas les limites. Alors, c'est vraiment une révolution importante que je mettrais au même niveau que la révolution de Darwin, qui nous a fait comprendre que nous étions des animaux comme les autres, que la révolution psychologique aussi que l'on doit à Freud, et puis plus récemment les révolutions génétiques, là, qui nous montrent que finalement nous sommes habités par des courants de vie qui nous dépassent jusqu'à un certain point. C'est plus que de la science, c'est toute la représentation que l'homme se fait de lui-même qui est en cause. C'est très philosophique, en fait, en plus d'être une révolution astronomique, bien sûr, parce qu'il y a des conséquences astronomiques importantes à cette proposition-là. Mais c'est vraiment la façon dont les humains se conçoivent, se placent au sein de la création, la relation qu'ils ont avec Dieu. Je veux dire, si la Terre est une planète comme les autres, ça ouvre la possibilité qu'il y ait d'autres planètes autour d'autres étoiles sur lesquelles peut-être un sauveur est venu sauver cette forme d'humanité-là. Alors, ça ouvre plein de questions philosophiques qui ne sont pas encore résolues aujourd'hui. Parlons un peu du père de cette révolution-là. En quelques mots, qui est Nicolas Copernic? Alors, Copernic, il est né en 1473. Il est mort, comme vous l'avez dit, en 1543, l'année de publication de son grand œuvre. C'est un astronome, c'est un chanoine, c'est un médecin, c'est un grand mathématicien. Il est d'origine polonaise. Et il a fait l'essentiel de sa carrière au service de l'Église. Mais en même temps, il avait une passion pour les étoiles, il avait une passion pour l'astronomie et il s'est mis en tête de corriger les erreurs erreur flagrante des systèmes géocentriques qui étaient utilisés jusqu'alors pour calculer la position future des planètes. Et comment il en arrive justement à remettre ces systèmes en question? La meilleure façon de le comprendre, c'est probablement de revenir à la conception qu'on a avant Copernic de l'univers, du cosmos. On écoute à ce propos l'historien Léon Lortie décrire justement cette vision du monde qu'on avait du temps d'Aristote et du temps plus proche de nous, de Ptolémée, avant la révolution copernicienne, extrait de l'émission Documents diffusée en 1973. La physique d'Aristote est celle d'un homme qui avait les deux pieds sur la terre et qui avait du bon sens. Il expliquait le ciel, il expliquait le monde de la façon que ses contemporains le voyaient. Mais Aristote n'était pas un mathématicien. C'est Ptolémée qui a réussi, lui, avec des calculs, à trouver un système semblable ou à peu près semblable à celui d'Aristote, un système mécanique assez compliqué qui faisait des épicycles, c'est-à-dire des petits cercles autour du grand cercle, ou encore qui faisait des excentriques. Seulement, avec le temps, on s'est rendu compte que ça ne rendait pas compte du mouvement des planètes et on a été obligé à plusieurs reprises de faire de nouvelles tables. Et les dernières avant celle de Copernic étaient celles qui avaient été faites sous le règne du roi Alphonse en Espagne par des Arabes et qui avaient à leur disposition des moyens mathématiques que Ptolémée n'avait pas. Alors, quelle vision a-t-on du monde, de l'univers, Pierre Chastenay, avant Copernic? Comment Aristote, comment Ptolémée conçoivent-ils l'univers? Alors, c'est un univers qui est centré sur la Terre, considéré comme étant un objet fixe et immobile. C'est le centre du cosmos, c'est le centre du monde. Puis quand on y pense bien, c'est parfaitement raisonnable de penser que la Terre est fixe et immobile. Je veux dire, vous êtes au milieu d'un champ, vous regardez le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Jamais il ne vous viendrait à l'esprit que c'est la Terre qui tourne sur elle-même. On ne ressent pas le mouvement de rotation de notre planète. Et donc, cette idée d'un système géocentrique, elle fait du sens pour les contemporains de Copernic, de Ptolémée et de ceux qui l'ont précédé. C'est aussi un monde où il y a une différence majeure entre le monde sublunaire, donc tout ce qui est sur Terre, qui est composé des quatre éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, et tout ce qui se trouve au-delà de l'orbite de la Lune, que l'on considère comme le monde supralunaire, qui est fait d'une cinquième essence pure et inaltérable. C'est d'ailleurs l'origine du mot quintessence. Mm-hmm. Et donc, il y a une différence non seulement de forme, mais également de nature entre ce qui se trouve sur Terre, qui est putrescible, qui finira par mourir, et tout ce qui se trouve au-delà. Et un autre postulat important qui va jouer un rôle majeur dans l'évolution du système géocentrique et héliocentrique, c'est le fait que les Grecs considère que la forme du cercle, c'est la forme parfaite. Et que donc, les corps célestes doivent absolument se déplacer sur des orbites qui ont la forme de sphère ou de cercle et qu'ils se déplacent à vitesse constante. Ouais. Et ça va poser un problème pour Ptolémée, mais aussi pour Copernic, parce que quand on observe les planètes, quand on observe le Soleil, la Lune, on constate avec des observations assez fines que leur vitesse de déplacement dans le ciel change au cours du mois, au cours de l'année, d'une période à l'autre. Et pour rendre compte de ça, votre extrait l'a bien illustré, on utilise un système mécanique très complexe, celui de Ptolémée, qui est bien sûr centré sur la Terre, mais où chaque planète tourne sur un cercle qui est entraîné par un autre cercle. Et ce système-là a des limites parce qu'il ne permet pas de calculer avec précision les positions futures des planètes. Donc, au cours de l'histoire, entre Ptolémée au 2e siècle de notre ère et Copernic au 16e, il y a plusieurs autres astronomes qui vont essayer de modifier par-ci, par-là, le système géocentrique de Ptolémée, ce qui fait qu'au moment où Copernic commence à travailler et à s'intéresser à ces questions-là, il existe plusieurs systèmes géocentriques qui ont tous leurs petites différences, mais qui sont égaux en ce sens qu'ils ne permettent pas plus l'un que l'autre de faire des prédictions vérifiables et précises sur la position future des planètes. En fait, ce qui est fascinant, c'est que plus le temps passe, plus on se rend compte des imperfections du système à l'origine conçu par Ptolémée et puis peaufiné par l'un et l'autre. Et ce que Copernic arrive, à la conclusion à laquelle il arrive, c'est que face à cette diversité de modèles et face aussi à l'imperfection de ces modèles-là, il faut faire table rase et il faut essayer autre chose. Copernic est très influencé par un penseur grec qui s'appelle Aristarque de Samos, qui a vécu au 3e siècle avant notre ère, qui lui, pour toutes sortes de raisons d'observation et de géométrie, plaçait le Soleil au centre du monde. Il considérait que le Soleil était l'objet le plus gros du cosmos et donc il devait être logiquement au centre. Cette idée-là n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque parce que, encore une fois, ça remettait en question plusieurs dogmes religieux chez les Grecs. Mais Copernic s'est inspiré de ça pour dire « si je plaçais le Soleil au centre, est-ce que les calculs seraient plus faciles et plus précis? » Et il a travaillé là-dessus pendant des années avec des démonstrations très complexes qui sont à la fois géométriques et mathématiques pour arriver à concevoir un système qui n'était pas parfait parce que s'il plaçait le Soleil au centre du monde et la Terre comme une des planètes en orbite autour du Soleil, il fallait quand même qu'il introduise, je parle toujours de Copernic, dans son système d'autres épicycles, Donc, les orbites des planètes demeuraient, pour Copernic, des cercles parfaits. Ouais. Les planètes se déplaçaient à vitesse constante. Il a conservé cette idée-là des Grecs. Et donc, il a dû faire un compromis dans son système en plaçant, oui, le Soleil au centre, mais en conservant un certain nombre d'artifices mathématiques et géométriques qui étaient hérités du système de Ptolémée. Et c'est pour ça que, dans le fond, quand on regarde la révolution copernicienne, elle commence avec Copernic. Ouais. Mais il y a d'autres étapes qui vont suivre. Parce que cette première étape, elle est elle aussi très imparfaite, mais au moins, et c'est ça le grand coup de cette... Le premier coup, en tout cas, de cette révolution, c'est le concept même de mettre le Soleil au centre de l'univers. Ça, on le doit à Copernic. Absolument. C'est déjà une petite révolution, une petite bombe. Comment c'est reçu, comment c'est accueilli, cette idée-là, quand il publie son fameux livre, alors qu'il est sur son lit de mort? Oui, tout à fait. Mais en fait, vous l'avez dit, hein, Copernic n'a jamais vu son livre. Il a été publié, il était déjà décédé. Ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsqu'on regarde les ouvrages qui ont été publiés à cette époque-là, il y a une préface qui a été écrite par un certain Osiander, qui était un pasteur luthérien, qui avait pris en charge la publication du livre, mais qui jugeait que le contenu était peut-être un peu trop explosif. Et il a donc, de son propre chef, d'après ce que l'on comprend et ce que l'on sait de l'histoire, il a ajouté une préface dans laquelle il dit essentiellement « Ce livre-là présente un nouvel artifice mathématique » qui permettent de calculer plus précisément la position future des planètes, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Comme si Osiander disait à ses lecteurs, écoutez, oui, on déplace la Terre du centre du monde à une position périphérique autour du Soleil, mais ne tirez pas sur l'auteur, ça ne sert qu'à faciliter les calculs. C'est comme ça que ça va être présenté au public, c'est comme ça que ça va être présenté à l'Église, entre autres, et ça explique pourquoi le livre a été toléré pendant quand même près de 70 ans avant d'être mis à l'index. Mais ce qui est vraiment important, c'est l'impact que ça va avoir chez les savants européens, parce que ce livre-là, même si on n'en a pas vendu beaucoup de copies, parce que c'est un livre très difficile à lire, même à l'époque, il fallait vraiment s'accrocher pour bien suivre les démonstrations. C'est un livre qui va circuler beaucoup auprès des savants. On a retrouvé des copies, là, plusieurs dizaines de copies qui ont été annotées par différentes personnes au cours des siècles. Donc, ce livre-là va avoir un impact et il va semer cette idée que c'est possible que notre système, notre cosmos, soit centré sur le Soleil et non pas sur la Terre. L'effet de contamination qui fait que les gens vont commencer à travailler sur cette nouvelle manière Exactement. De voir le monde. Et les calculs étaient facilités par le système de Copernic. Il ne faut pas se cacher que c'était plus facile pour un mathématicien de prévoir les positions futures des planètes dans un système copernicien que dans le système de Ptolémée. L'un des chercheurs qui va prendre ce relais, ce sera Galilée. Le témoin que va virtuellement lui passer Copernic, c'est Galilée. Sans lui, pas de révolution copernicienne qui soit achevée. Quelle importance il va avoir, Galilée, dans cette aventure? On écoute l'historien Georges Langlois à l'émission L'Histoire aujourd'hui, en 1997. D'abord, Galilée, c'est essentiellement un observateur. C'est un vrai homme de science. Alors, il invente, ou du moins, il perfectionne la lunette astronomique et il va commencer, avant de faire quelques thèses que ce soit, à observer. Il va faire des centaines de nuits d'observation. Alors, il découvre des anneaux sur Saturne, des satellites autour de Jupiter. Il découvre du relief sur la Lune. Enfin, il fait des découvertes absolument invraisemblables que les gens qui allaient contre la théorie des sphères, bien sûr, contre l'idée de la perfection des corps célestes. Hein. On imaginait les corps célestes comme un peu comme des billes de billard, là, des boules de billard. Alors là, s'il y a des montagnes sur la Lune, ça va plus. Et puis, il va lancer tout le résultat de ces observations-là dans le public en écrivant en italien, une langue, disons, vulgaire, comme on disait à l'époque. Et immédiatement, il va avoir une notoriété absolument inouïe. Ça devient un peu une des stars de la vie intellectuelle de l'époque. Et c'est ça, justement, qui va provoquer la réaction de l'Église catholique. Alors, on va faire un fameux procès à Galilée en lui disant que ses théories vont contre l'enseignement de la Bible, par exemple. Quelle sera la contribution de Galilée et Pierre Chastenay dans cette révolution copernicienne? Puis, qu'est-ce qui choque tant l'Église dans ce qu'il avance? Mais en fait, Galilée, il est extrêmement important pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées. C'est vraiment l'inventeur de la méthode scientifique où, contrairement à ce qui se faisait auparavant, où on consultait les anciens et on essayait d'interpréter ce que les anciens nous avaient légué comme savoir, Galilée disait essentiellement, bien, c'est la nature qui va nous dire comment elle fonctionne. La clé de la compréhension des phénomènes naturels, c'est de poser les bonnes questions à la nature, de l'interroger de la bonne manière pour en extraire des informations. Donc, ce que Galilée va faire à partir de 1609, ce sont des observations au télescope. Mm-hmm. Il est parmi l'un des premiers. Il y a un Anglais qui a fait des observations de la Lune un mois avant que Galilée commence les siennes, mais Galilée a rapidement publié les résultats de ses observations. Et ce qu'il observait, à travers sa lunette, bien que très imparfaite, remettait en question plusieurs des postulats de base sur lesquels était basé le système géocentrique de Ptolémée. Par exemple, il a observé, on l'a mentionné, des taches sur le soleil, il a observé les montagnes sur la Lune, il a observé effectivement des excroissances de chaque côté de Saturne, dont il n'a jamais compris que c'était des anneaux. On a découvert ça bien plus tard après lui. Peut-être le plus important, ou en fait les deux éléments les plus importants, c'est la découverte des satellites de Jupiter. Quatre objets qui ne sont pas en orbite autour de la Terre. Donc, pour ces quatre satellites-là, le centre du monde, ce n'est pas la Terre, c'est Jupiter. Donc, c'était l'idée que d'autres centres de révolution sont possibles. Et puis, peut-être plus important encore, pour mettre à mal le système de Ptolémée, ce sont les observations des phases de Vénus. Lorsqu'on observe Vénus au télescope, elle nous montre des phases, un peu comme la Lune. Ça s'explique très simplement lorsque Vénus est en orbite autour du Soleil et qu'on l'observe depuis la surface de la Terre. Mais dans le système de Ptolémée, c'est très difficile d'expliquer ces phases. Mm-hmm. Donc, on a là une observation, on a là quelques observations qui jettent des doutes importants sur les postulats de base du système de Ptolémée, mais qui malheureusement ne sont pas, sauf peut-être dans le cas des phases de Vénus, des observations cruciales qui permettent de dire la Terre au centre du monde, ça se peut pas. On est encore dans cette espèce de limbe entre les deux systèmes. Mais on avance avec des observations intéressantes et avec aussi, parce qu'on l'entendait dans l'extrait il y a un instant, c'est une vedette pour son époque. Donc, dans sa contribution, il faut retenir aussi le travail de diffusion qu'il va faire, même dans un public toute chose étant relative, assez large. Il va donc être traîné. On va lui faire un procès. L'Église va lui faire un procès. Et il dégarlasse. Il va finir, Galilée, par céder devant ses juges. On écoute le journaliste scientifique André Labarthe à l'émission française Les bâtisseurs du monde en 1957, parce qu'il leur réserve quand même une petite surprise qu'il s'est devenu célèbre. Écoutez l'extrait. Après 6 mois de détention, 20 jours de secret et 4 interrogatoires, Galilée, à bout de force, déclare: moi, Galilée, Galilei, âgé de 70 ans, je ne professe plus l'opinion de Copernic depuis que l'ordre m'a été donné de l'abandonner. Au surplus, je suis ici dans vos mains, faites de moi ce que vous voudrez. La légende veut qu'il ait ajouté à mi-voix, et cependant la terre tourne. Et Galilée, bâtisseur du monde, dut s'agenouiller, le génie s'effaçant devant le dogme et la loi d'expérience devant l'imaginaire, en attendant que par 1000 détours et 1000 autres sacrifices vienne le jour de l'évidence et de la raison. Alors quand viendra donc le jour de l'évidence et de la raison, Pierre Chastel? Ben en fait, on va faire un petit pas vers l'arrière pour revenir à un personnage qui était déjà mort lorsque Galilée a fait ses observations. Il s'agit de Tycho Brahe. Alors, je parle de Tycho Brahe parce qu'il va jouer un rôle crucial, sans le savoir, dans cette histoire-là. Dans le développement de la révolution copernicienne, conteste pourtant. Ah oui, parce que Tycho Brahe a son propre système, qui est une espèce d'hybride où, dans le fond, Mercure et Vénus sont en orbite autour du Soleil, le Soleil est en orbite autour de la Terre, ainsi que les autres planètes. Bon, c'est un truc qui ne fonctionne pas, mais il a une certaine adhérence au système géocentrique de Ptolémée, dont il a du mal à se défaire. Tycho Brahe, il est important dans notre histoire parce que c'est le plus grand observateur de son époque. Il n'a jamais fait d'observation au télescope, ça n'existait pas encore. Mais Tycho Brahe a eu le génie de faire construire des instruments d'observation qui permettait de mesurer la position des astres avec une précision inégalée pour l'époque. Il a observé, entre autres, une supernova, une étoile qui s'est allumée dans le ciel, et grâce à la précision de ses observations, il a été capable de démontrer que cet objet-là se trouvait au-delà des orbites des planètes. Donc, ça venait, encore une fois, bouleverser cette idée que le monde supralunaire était parfait, immuable, et ainsi de suite. Il a également observé, quelques années après, une comète, dont il a été capable, encore une fois, en suivant sa trajectoire de manière très précise, de démontrer qu'elle se déplaçait entre les planètes et qu'elle était en orbite autour du Soleil. Les planètes étaient supposées être supportées par des sphères de cristal. Comment une comète pourrait traverser ces sphères sans les briser? Il y avait quelque chose là qui, encore une fois, semait le doute dans l'esprit des gens. Mais Tycho Brahe, dans notre histoire, est encore plus important pour les observations qu'il a fait vers la fin de sa vie de la planète Mars. Pendant 20 ans, il a observé de manière systématique, avec une très grande précision, les positions relatives de la planète Mars par rapport aux étoiles. Et à sa mort, voyant ce bagage d'observations qui risquait de disparaître, il a décidé de confier ça au dernier personnage de la chaîne qui va nous amener à la fin de la révolution copernicienne, qui est Johannes Kepler, qui était devenu son assistant, un mathématicien extrêmement brillant, un des meilleurs de son époque, qui lui a reçu en cadeau donc cette série d'observations de la planète Mars avec le mandat de Tycho Brahe sur son lit de mort, qui lui a demandé: trouve un sens à ça et calcule l'orbite de la planète Mars. En principe, tu as tout ce qu'il faut pour arriver à un résultat. Ouais. Alors Kepler se met à la tâche. Ça va lui prendre des années. Il va noircir des milliers de pages de calculs jusqu'à éventuellement, lui aussi, se détacher de cette idée que les planètes circulent sur des orbites circulaires à vitesse constante. Et il va essayer d'autres solutions mathématiques. De guerre lasse. Et il dit, là, j'en peux plus, ça fonctionne pas avec des orbites circulaires. Essayons autre chose. Et il essaye l'ellipse. L'ellipse qui est un cercle qu'on aurait légèrement aplati. Plutôt que d'avoir un seul centre, une ellipse a deux foyers. Ce sont des caractéristiques de ce genre de section conique-là. Et là, miracle, avec l'ellipse, Kepler est capable de calculer très précisément les caractéristiques de l'orbite de la planète Mars. Il est capable, bien sûr, d'expliquer toutes les observations que Tycho Brahe a faites durant les 20 années qui ont précédé sa mort. Mais non seulement ça, c'est qu'il est capable de déduire de ses observations et de ses calculs trois lois empiriques. Donc, des lois qui lui permettent, à partir des observations, de dire, bien, voici comment les planètes se déplacent dans le système solaire autour du Soleil. Elles se déplacent sur des ellipses. Ça, c'est la première loi. Elles se déplacent sur des ellipses et le Soleil occupe un des foyers de cette ellipse-là. La deuxième loi, c'est la loi des airs. La loi des airs dit qu'essentiellement, une ligne qui relie la planète au Soleil va balayer des aires égales en des temps égaux. En d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'une planète est plus près du Soleil, elle avance plus vite, et lorsqu'elle est plus loin, elle avance plus lentement. Mm-hmm. On n'a plus besoin d'épicycles et de déférents pour modifier la vitesse de déplacement des planètes. Ça découle directement de cette deuxième loi. Et la troisième loi, c'est une loi mathématique qui dit que la période au carré est égale au semi-grand axe, soit à la largeur de l'ellipse au cube. Ce sont des lois empiriques qui découlent de ces observations, avec lesquelles Kepler est capable de faire une chose que personne n'a réussi à faire avant lui, calculer des éphémérides plusieurs dizaines d'années à l'avance, avec une précision qui n'a jamais été égalée. Et en fait, ces éphémérides-là, elles portent un nom. Ce sont les tables Rudolphines qui ont été publiées en 1627. Et non seulement c'est un triomphe de l'héliocentrisme, parce qu'enfin, on a un outil mathématique qui nous permet de calculer avec très grande précision la position future des planètes, mais à partir des prévisions qui sont contenues dans les tables Rudolphines, on est capable de calculer que Mercure, la planète Mercure, va passer devant le Soleil en 1631, ce qui va être observé par l'astronome français Gassendi à quelques heures de précision. Ouais. Et puis Vénus en 1639, observée par Horrocks et Crabtree, qui passent devant le Soleil. Donc, c'est le un triomphe. Système est établi sur une base durable. Quand et comment, en fait, on va commencer à avoir des éléments de preuve tangible, Pierre Chastelnet, de cette révolution de la Terre sur elle-même et autour du Soleil? Deux preuves tangibles. La première, c'est en 1838. Frédéric Bessel, qui est un astronome allemand, observe pour la première fois la parallaxe des étoiles, qui est une preuve direct du fait que si on fait une observation à partir de la Terre d'une étoile à 6 mois d'intervalle, donc au moment où la Terre aura fait la moitié de son orbite autour du Soleil, la position de cette étoile-là par rapport aux étoiles plus lointaines va changer. On n'avait jamais observé ça auparavant parce que les étoiles sont tellement éloignées de nous que ces parallaxes-là, ces angles-là sont très petits. Bessel arrive à faire cette observation-là. C'est une preuve directe du mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil. Et puis en 1851, Jean-Léon Foucault, qui est un astronome et un physicien français, installe un pendule sous le dôme du Panthéon. Ouais. Pendule qui oscille toujours dans le même plan, mais la Terre tourne sous le pendule, ce qui fait qu'on a l'impression que le plan du pendule change d'orientation. Ça, c'est une preuve directe, indéniable, du fait que la Terre tourne sur elle-même. Et donc, il faudra attendre toutes ces années avant d'avoir ces preuves directes qui sont maintenant indéniables. Pierre Chastelnet, astronome, animateur d'émissions scientifiques à la télé, professeur au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal. Merci infiniment. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.